De sentir enfin balancer, tracer une ligne à la craie et la suivre pour t'évader, voyager entre ici et là-bas, revenir que si le ciel est bas. Te voilà bien loin déjà, Héloïse, tu y es arrivée. Une revanche sur tes appels à l'aide, tu as le bon. Accrochée au mur, une certaine idée du bonheur, voilà tes rêves sont en couleur. Petite fille au regard si clair, tes yeux enfin se sont fermés. Tu as oublié tes pleurs, tes douleurs, tu es libérée. Pouvoir continuer à rêver, Héloïse, c'est ce que tu. Héloïse habite ses rêves, désormais elle est arrivée. Héloïse habite ses rêves, désormais elle est apaisée. Ciel étoilé, oubliant tous les cris, les lueurs des quartiers. Et je garde silence, mais je n'accepte pas que tu t'éloignes de moi et me laisse planter là. Là-bas, moi je garde ce souvenir de toi.